bal, clap surveillé, titi cloqué, long volé, si pas le laqué, la mer vinouelle, la mer vexée, la mer tombée près, la mer vingri, le père bandé. Parce que moun sa kon sistèm de pou tan non ti jan panche, yo chanje ou. Ale ki le ou bagen lot non, enkapaba. Ben, depi msye mari ak madame ni, se te non bel job, se kon bel apretman la touche. Tout sak nan kay msye se tout an pe. Tout sal posede se tout an pe. Pè caban, pè matla, pè frigidè, pè radio, pè recho, pè bonne, pè gérant. Tout ça, monsieur possédé, c'est tout en paix. Même si c'est le bonjour, il n'est pas de la travail, il est à la caille, il a pas besoin. Patron dit, ah, next up, bam, traka. Si je ne vais pas dégager, je révoque monsieur, le travail ne va pas marcher. Dans le lendemain, monsieur descend dans le travail. Paraît qui paraît, patron, fait l'observation. Monsieur vexé, monsieur viré d'eau, il dit le travail là. La caille. Les rivets dit chéri, vous connaissez révoquer mari ou. Puis a dit, à faire révoquer, ça c'est lance. C'est sauter n'importe ça ou apporter n'importe ça. Parce que les gens sont capables de travailler. Je ne peux pas travailler pour parce que je suis capable. Oh! Mais ça fait femme répondre de ces gens. Mais pas parce que Fia connaît, c'est qu'on t'y fonde réserve dans le cas 800 dollars dans le cas là. C'est ça qui fait répondre, c'est comme ça. Mais si tu ne connais pas, c'est 16 centimes, il est tout le monde. Qu'on bouteille, température a changé. C'est pas ta même bagaille. Hein? Oh, il y aurait été là, arrêté là. Il y a un misé dans le fond de réserve, il y a mangé, à manger. Le fond de réserve a vite fini. Et puis, je ne sais pas, il y a un camp, il y a un camp en bas. Pour le qui bol d'affaires pour la rue, c'est good pour le pot de la caille. Oh, il y a des gars dans le jour, pas comprendre le matin. Quel est le papa là qui a mangé? Pas comprendre, nous disons, nous sommes faits comme ça. Je dis, ma chôme, malhonnête. Au coin de tes comptes, ils font réserve. Réserve a fini par rien, comme fini manger. Il y a dit pas besoin de connaître. Parce que moi-même, depuis à la télé, je vais me faire un moment. Je vais me sans pas manger. C'est dans mon sel, ma vie subit pas ça. Et maman te parle, moi. Maman te dit, Maria, si tu l'as déré, ça, je vais le faire. Là où est mon jour. Et sa maman me dit, non, c'est ça. Je dis, ma chère, bon, pas que l'autre problème pour le faire. Étant donné tout le bagage dans la sans paix, nous avons un peu de bagage, nous avons dégagé nous. Après ma travail, je suis un garçon, nous avons remplacé nous. Il y a des bâtons, des bâtons, l'argent passé. Il y aura les bâtons, des bâtons, l'argent passé. Il y aura les bâtons, des bâtons, l'argent passé. Il y a les radios, divani, l'argent passé. L'arrivée même, révoquée par bonne. C'est lui-même qui a fait manger la déguilé. Il révoqué par gérant. C'est lui-même qui a séclé la boule. Ah, tout le bagage n'a la fin, bon bagage encore dans la là. Il y en a gardé là. Oh, pour l'autre moment, maîtresse qu'elle apparaît, il me demande l'argent caille. Pas que c'est quoi dans la poubelle. Oh! Je dis ma boîte aïwa, mon vieux caille boit à pain, ma première mon vieux caille boit, la promène sous moi, ma boîte aïwa. Les grands petits jours pas sous côté, je vais louer jour pas. Mais depuis que je suis entré dans la caille, j'entre avec un petit nac, avec un petit nac bobèche. Mais toute la nuit, fille a passé à dormir, fille a prié, oh bon Dieu! Quand on a situation, trouvez-moi. Quand les gens disent, trouvez-moi, même Esther, papa, je suis sonnant. Je ne peux pas mettre de bonnes. Je ne sais pas comment parler pour lui. Mais il a mis la saladie. Il ne peut pas aller. Mais le patron, je suis un peu comme ça. Non, mais Brigitte, non. C'est pas dans le sonnant là. On va la répéter, vieux bagage ça. Oh! Et puis, je l'ai bien sorti. Là, je suis sorti, papa, je l'ai dégagé dans la rue. Et puis Joe contre avec mon camarade. Comme on a dit Joe, on va voir ça passer. Je dis mon chauffeur, pas mon papa. De nos vieux jobs, pas moi parler, mais faut peut-être moi. Il révoque moi. Sans bien dire mon cher, maintenant des jobs là, papa. Laissez-moi le mettre au nom. Là avec Joe. Il mettait Joe dans le travail là. Oh, Joe voulait, Joe vient moi, Joe touche moi. Là, Joe touche moi. Et puis, il allait monter la caille. Mais lui veut dire, chérie, mais Joe Marie, oui, il a vu les filles qui ne pas répondre, ni monter, ni descendre. Joe dit, c'est ma route, Joe, oui, c'est ma route, Joe. Nous sommes touchés, nous sommes passés faire provision, mais reste l'argent pour le barou. C'est alors, il a levé, il a gardé Joe, et puis il a embrassé Joe, et puis il a dit, bouche, mette en bouille, Joe, la bralette, dit la ska, Joe. Vous comprenez? Aïe, aïe, aïe. Ces jours-là, yo passe son bon journée. Bonne journée, yo mange prêt correctement. Oh, 3 mois pas passé. Bon, on dit, yo, au bon sac passé. A faire pousser moi-même qui parle de marché, qui a fait provision, qui a pu faire manger. Maga pas encore, non? Maga pas encore? C'est pourquoi pas bon, mon bon. Yo dit, marché, mon malhonnête. Comment venez-vous à prêt pour ça toucher? Comprends, tu vas même assez pour nous vivre dans la caille là, pour m'apprêter 5, 6, 7, 8, 9 dollars là dans l'île, mal payé au bon. Un bac est possible, puis il a dit, pas besoin de connaître, c'est pourquoi pas moi mon bon. Et puis tu as vexé, tu as dit, bon bon, non, bon bon. Maintenant tu as mon petit bon, tu es bon dans l'île, li won, li gra, aïe aïe aïe, tu as sorti le vide dans la plate, tu as l'aise, tu as vu remonter, tu as vu remonter. Par contre, ça a passé, maintenant tu as vu la sorti, maintenant tu as le petit bon, non, il dit, allez non. Même moi pour le mari dans pied table, même bien provision d'en faire manger, ma fini. Joe même ça, Joe fait, Joe prend position la fièvre. Il met ton compré chico au sol avec l'aide pour sous tête. La fête là avec un dégâts, il parle de travail. On va dire t'en dedans. Petit bonhomme même ça, fait trier pour le mettre dans du feu. Il tue pour lui tremper. La fruit pour lui. Joe même a fait la navette pour cuisiner comme ça, donc Tibon n'a pas qu'on fait manger. Alors après, de la soi-disant, pour l'expliquer Tibon n'a pas qu'on fait. Tibon n'a même intelligente qu'elle est. Pendant qu'il vient d'Afrique, il prend un petit soucoupe. li pon ti zizye, li metan sou plal pou del badyo. Dwa di wo, ma pa augmentation, ma pa augmentation, paske mwen kon fè travay yo. Ti bon nan de menm siye, ta kontan wi siye. Ay ay ay. Oh, tu ap pou le manje ti vyan fri, ti vyan fri. Yon jou madan yo leve la fè chè veni. E pi, yo si ta bon pizina. Ma kon sa pase yo, yo mwen lo amoun don ki monte li. Li pop li vete men se ti bon nan. Li fou ekol an ba l'office la. E pi ton ba fè ti bon nan radiografi. Radiografi, radiografi, radiografi. Men yo de kon ti piti gason li, ki etan ti bout chemizet. Ti pita de gen de ti kabret nan meni, kon pa la da kouti kod la dani. Alors ki ta vire won nan kala pou yele. Awa, awa, awa. E pi je piti ta tombe sou papa, an ba l'office la ka fè ti bon nan radiografi. Ou kon ti moun. Petit la rele wo Mati Mati Mati Mati Mati pendant ce temps là yo même besoin petit la bille sal sotoué ni pour pas répéter sal ta répété a ni pour petit la sous épaule ni il regarde notre idio m'a pas chez sous le football pour vous m'a mené à jouer dans Racine ou à venir jouer sélectionné ou à voyager ou à faire grand joueur tout qu'on a pour alors face au petit la bille bagaille là il traverse dans boutique en face là il achète deux petits sachets bonbons comprendre il chire petit bonbon en plus pour mettre dans boutique idio idio m'a prendre les bonbons yam yam yam yam m'a dit Mati, Mati, Mati, Mati, Mati. Pendant ce temps-là, maman vient paraître. Maman dit, Tidjo, viens raconter maman ça qui est, viens dire maman ça qui passe. Je dis, comment ça passe, madame, je m'en bagaille. Ouais, Tidjo, si je quitte Tidjo, demeure dans le cas avec vous, Tidjo, pas de façon. Petit, la ma pète, il dit, pas de façon. Une série de bagages qui passent depuis des mois dans Kaila, ou après les petits là pour venir dire, pour venir raconter, ou ma petite qui pour dans un, dans tripotaille. Maintenant, je dis, yo, imbécile. Petit là, même qu'un même jazz là. M'a dit, m'a dit, m'a dit, à la fin, je vexé, je l'ai même vu, non. Vin dit maman, dit maman, ça passe à nous. Une série de bagages qui passent depuis des mois dans Kaila. Depuis des mois, vous pensez que vous avez la photo, mais dis maman, tout dit maman, puis dit la dit maman, souhait maman, ça me dit, on t'a fait avec quoi, c'est un autre jour, c'est lui, papa, ma fatigue bonne. Son cri montagne même ma baou.